Balzac, la comédie humaine, par Eugène Pelletan. Monsieur de Balzac a publié sous le titre de la comédie humaine ses œuvres complètes, illustrées et précédées d'une préface. Cette préface a été critiquée. Monsieur de Balzac croyait avoir écrit l'histoire naturelle de l'homme et rangé méthodiquement, par ordre de classification, toutes les variétés de caractère. En bon père, il voyait dans sa progéniture littéraire une seule et même famille qui personnifiait, jusqu'au dernier individu, cette autre grande famille de la société. Évidemment, c'est là une illusion de paternité. Il n'est donné à personne d'épuiser en quelques volumes, ni d'emprisonner par des catégories, la diversité et la mobilité infinie de l'humanité. Chaque romancier écrira longtemps encore sa comédie, qui n'en sera pas plus humaine ni plus universelle que la comédie de Balzac, et même de Shakespeare. La Fontaine y mettait plus de retenue. Il avait aussi donné à chacun de ses animaux un caractère. Messer Lion, Capitaine Renard, Jean Lapin, Robin Mouton, Dame Belette. Lorsqu'il ramenait l'un d'eux sur la scène, il lui conservait toujours son identité. Aussi, repassant sur la collection de ses fables, pouvait-il l'appeler une comédie à 100 actes divers. Mais il ne l'eût certes pas appelée la comédie en elle-même, toute la comédie. À l'imitation du fabuliste, qui reproduit souvent les mêmes héros à quatre pattes, d'apologue en apologue, M. de Balzac promène à travers plusieurs romans les noms des mêmes personnages. À leur apparition, on est tenté de dire avec Madame de Sévigné « Il me semble que j'ai vu cette chaîne de figures quelque part ». Mais cette perpétuelle ritournelle de noms ne peut en conscience constituer l'unité de sa comédie. La répétition n'est pas l'unité. Eh mon Dieu, pourquoi tiendrait-il à cette unité? Les ouvrages d'imagination sont-ils des grains de chapelet que l'écrivain doit nécessairement enfiler la suite les uns des autres avec une préface qui leur serve de ficelle? L'art, avant toute chose, l'art. Crions-le par-dessus les toits, nous autres, qui ne sommes pas savants. Or, le plus charmant privilège de l'art, c'est d'échapper en toutes circonstances à la marche pesante, étroite, méthodique de la science. C'est d'appartenir uniquement à l'inspiration, cette providence des poètes. C'est de n'être jamais tenu par l'œuvre d'hier, obligé par l'œuvre de demain. C'est d'être indépendant, libre, varié, spontané comme la vie elle-même dans son inépuisable caprice. Dieu nous garde à ce propos de critiquer les opinions religieuses du célèbre romancier. Peu nous importe d'entendre ça et là, dans ses ouvrages, quelques légers pétillements du feu éteint de Joseph de Maistre. On doit savoir faire la différence des doctrines officielles, officiellement exprimées, et des doctrines domestiques habituelles qui servent à la consommation de la semaine. Il en est de certains principes, comme de ces frocs de moine que l'on porte dans sa chambre, mais pour l'étrangeté du fait seulement. Nous ne pensons pas non plus qu'on doive s'arrêter aux croyances politiques de M. de Balzac, qui d'ailleurs n'a qu'un symbole en un seul article, le droit d'aînesse. Je suis persuadé qu'au fond, M. de Balzac entend le droit d'aînesse comme le docteur Johnson. Le privilège de primogéniture, disait celui-ci, a un grand avantage, c'est qu'il ne fait qu'un saut par famille. Comment la critique peut-elle avoir la naïveté de blâmer cette retraite en arrière par-delà nos deux révolutions? Eh mon Dieu, le talent, sous toutes ses formes littéraires ou conquérantes, a toujours sa petite diplomatie. Quand Napoléon date de Moscou un décret sur le vaudeville, quand Rousseau prend le bonnet fourré, Napoléon, Rousseau, avait besoin de raviver l'attention assoupie de Paris. Ensuite, les grands écrivains aiment à rebrousser les opinions courantes. De Maistre avait toujours par chapitre quelque opinion ardue à présenter, sous la forme la plus paradoxale. Il appelait cela jeter aux Français un os à ronger. Monsieur de Balzac nous jette aussi un os à l'occasion. Il n'en a pas moins fait des chefs-d'œuvre d'observation, et nous pouvons, en toute sûreté de conscience, louer convenablement la méthode et souvent la profondeur de ses ouvrages. De tous les romanciers, il est le seul, peut-être, qui ait une méthode. Il n'écrit pas une ligne qui ne soit calculée. Il a mis la tactique dans l'inspiration. Dès les premières pages, Chacun de ses romans est un problème posé. Balthazar Claës trouvera-t-il le mot de la grande énigme ? La nombreuse tribu des Minoret-Levrault, des Minoret-Crémière, aura-t-elle l'héritage du docteur Minoret ? Voilà pour l'intérêt. Il y a une question dont le lecteur doit chercher la réponse, et cet inconnu à trouver l'achemine doucement de chapitre en chapitre. Monsieur de Balzac ne perd jamais de vue ce point initial. Il y ramène tous les épisodes et tous les caractères de ses personnages. Il ne laisse jamais courir son œuvre à l'aventure. Il sait où il va et comment il y va. Il marche à pas comptés. Il déploie longuement et savamment son ordre de bataille. Cette méthode, sans doute, a le tort de faire une plus large part à la réflexion qu'à l'inspiration, contrairement à la vieille charte de la poésie. Mais l'on ne doit pas juger M. de Balzac d'après l'idée générale qu'on se forme du roman. Nous croyons tous plus ou moins, par habitude et par tradition, que le roman est fait pour les jeunes gens, pour les femmes, pour les pensionnaires, qui ont besoin de dégourdir à la chaleur de quelques fleurettes bien passionnées les sévères et glaciales leçons du couvent. C'est toujours le volume lu en cachette et fourré sous la broderie lorsque le bruit d'un pas se fait entendre dans l'escalier. Le roman a donc été longtemps un pays d'illusions ouvert à ceux-là, et surtout à celles-là qui n'ont ni vécu, ni appris à vivre, encore moins à souffrir. Qui disait romanesque disait tout ce qu'il y a d'impossible dans le monde. La littérature du roman et la vie réelle étaient séparées par un abîme. La jeunesse étant donc la seule clientèle du romancier, le roman servait en bon domestique tous les sentiments secrets de cette jeunesse. Celle-ci était-elle épicurienne, pour ne rien dire de plus, Crébillon, l'abbé Prévost, Diderot, Louvet, Dulaurens se chargeaient de réchauffer ces pâles et languissantes générations étiolées dans l'atmosphère des boudoirs. Se trouve-t-il, au contraire, un pays où le soleil est fondu dans la brume, où la jeune fille, blanche comme la chicorée sous cloche, ne sort que les yeux baissés et la figure cachée sous sa capote, pour aller au prêche, et du prêche à sa chambre, et de sa chambre au métier à broder, où la femme n'a ni parole, ni regard, ni sourire, où il ne lui reste absolument que la lecture de la Bible, devant feu de houille, feu sans flamme comme son cœur. Alors le romancier, le grand enchanteur, celui qui nous a retenus si longtemps, durant notre jeunesse sur le bord de la Charmille, celui-là fera des romans sans amour, sans allusion même à ce qui pourrait être l'amour. Walter Scott abandonne ses rôles d'amoureuse à de charmantes poupées qui aimeraient volontiers s'ils avaient la permission d'aimer. Mais le roman anglais est un lieu trop honnête pour cela. Monsieur de Balzac est venu à une époque où les anciens cadres littéraires étaient brisés et où le roman n'était plus nécessairement romanesque. Chacun y met ce qu'il veut. L'élégiaque sa plainte, le rêveur son rêve, le poète sa poésie, le penseur sa pensée, l'observateur son expérience. Chateaubriand, Benjamin Constant, Goethe, Senancour ont effacé d'un trait de plume les vieilles frontières du roman. On est tenu d'y apporter que la condition fondamentale de l'art, l'intérêt de style ou d'action. L'auteur du Père Goriot a réclamé pour son propre compte l'indépendance du génie. Il a créé un genre particulier de roman et c'est là, selon nous, son premier mérite. Les ouvrages d'imagination commencent par être romanesques et finissent par être rationnels. Ces deux périodes de littérature indiquent deux périodes de civilisation et dénoncent à la philosophie de l'histoire le progrès constant de la raison sur l'imagination. Grâce à l'extension continue de la fortune publique, la femme de nos jours a quitté l'aiguille et la quenouille. Elle est née à l'intelligence, elle est instruite. D'une instruction plus ou moins complète, peu importe, mais enfin, elle ne craint pas ces lectures viriles qui vont secouer au fond de son âme les facultés assoupies de la réflexion. Instinctivement ou volontairement, M. de Balzac s'est attaché à raconter, pour un auditoire plus intelligent, de véritables épopées domestiques qui n'ont pas seulement l'intérêt de la minute, mais qui comportent encore leur moralité. Il est philosophe, en un sens, c'est-à-dire observateur, calme et réfléchi comme l'observation. On sent à la prédominance du rationalisme en lui qu'il est voisin de Campagne de Descartes. Or, réfléchir n'est pas l'affaire d'une seconde. Il faut à M. de Balzac du temps, beaucoup de temps pour faire vivre et marcher ses idées. Il n'a pas de fétichisme pour sa pendule. Il n'économise ni ses heures ni les nôtres par la même raison. S'il a besoin de planter un clou, de plaquer un peu de mousse sur ce mur, de remonter le cours de la généalogie d'un bourgeois, d'analyser une narine, un pli d'oreille, vous avez beau vous impatienter, il plantera son clou, plaquera sa mousse, racontera sa dynastie de boutique, analysera tout au long le coin de la narine et le pli d'oreille, et vous verrez qu'au bout du compte, tout cela porte un sens, conspire à la réalité du drame et du personnage. Ceux qui ont dans les artères 80 pulsations à la minute pourront préférer la manière de peindre, expéditive et large de Saint-Simon, à la manière analytique, indolente du romancier. Mais celui-ci n'a pas la prétention de promener, devant les regards, une procession de figures dessinées en deux coups de plume. Il veut écrire la psychologie de la société. Il creuse jusqu'au dernier repli de la conscience. Peut-être aussi la lenteur est-elle quelque peu native chez M. de Balzac. M. de Balzac a trop de dévotion aux influences extérieures pour ne pas nous permettre de les lui appliquer. Il est natif de la Touraine, or en Touraine, la lenteur est écrite à chaque pierre du chemin. Nulle part vous n'y trouverez le mouvement, ni dans les lignes molles et fuyantes de ces collines, ni dans ces maigres filets d'eau occupés à chercher leur route par d'éternelles circonvolutions au milieu de cette grande allée de sable qui s'appelle la Loire. La Loire ne coule pas, elle s'écoule comme elle peut, goutte à goutte, probablement dans la mer, si elle en a la force. Comme les caractères faibles et mous, elle peut avoir ses colères d'un moment, sous forme d'inondation, mais elle rentre bien vite dans ses habitudes. Sur ce fleuve apathique, on aperçoit souvent de longues escadrilles de barques attelées les unes aux autres et immobiles sous leur haute voilure. Elles font une lieue par jour lorsque le vent est favorable et mettent une année à faire le trajet de Nantes à Orléans. Mais c'est surtout chez le paysan de Touraine qu'on rencontre cette somnolence qui a passé du terroir à l'homme et de l'homme à l'atmosphère. Le Tourangeau a naturellement de l'opium dans les veines. Le temps n'existe pas pour son esprit. Mettons qu'il a un esprit. Il mange, il boit, il travaille, il marche comme s'il avait l'éternité à son service. La méthode analytique du romancier indique d'avance le caractère de ses ouvrages. Le réel, et rien que le réel, voilà en deux mots toute sa poétique. C'est surtout dans le monde des affaires, des petites passions, des petites cupidités, des appétits d'argent, au milieu des notaires, des huissiers, des usuriers, des femmes à vendre ou déjà vendues, que M. de Balzac va chercher ses inspirations. Et il faut convenir qu'il porte dans toutes ses misères patentes ou cachées la dissection, la finesse, l'expérience et la science consommée d'un grand maître. Il voit tout, il sait tout. Le code civil dans Ursule Mirouet, la chimie dans la recherche de l'absolu. Étudiant avec l'étudiant, homme de la basoche avec la basoche, il possède l'idiosyncrasie, le moi existe de toutes les professions. C'est dans cette saisissante et vigoureuse manière de reproduire et d'accentuer la vie elle-même que l'on peut trouver le secret de la prodigieuse puissance qu'il a de maîtriser et d'ébranler même les âmes les plus récalcitrantes à l'émotion. Aucun romancier n'a plus que lui ce pathétique terrible qui jaillit uniquement du fond de la réalité. Il rencontre souvent de ces mots qui sont comme des coups de foudre dans l'âme du lecteur. On peut classer Eugénie Grandet, La recherche de l'absolu, Le Père Goriot, parmi les chefs-d'œuvre littéraires de notre époque. Il faut surveiller de près ce talent et l'aborder avec précaution, car à chaque instant, on laisserait glisser une finesse, une beauté de détail. On pourrait retirer de ses romans des volumes aussi approvisionnés de maximes que les traités classiques de Larouche-Foucault et de Vauvenargues. Il a mis à la fois le drame et l'enseignement dans cette série d'élucubrations qu'il appelle la comédie humaine. Oui, la comédie humaine, car M. de Balzac regarde la société comme une perpétuelle comédie. L'homme, selon lui, n'est plus un loup pour l'homme, mais bien un renard. Il a mitigé le misanthropique génie de Hobbes par le sourire de Rabelais. Lorsqu'il place le dévouement quelque part, c'est toujours sur la tête d'un homme exploité. Il promène sur le vaste champ des actions humaines un regard désolant. La jeune fille seule trouve grâce devant lui. Elle est belle, elle est sainte, mais savez-vous pourquoi ? Pour être immolée. À la vérité, par cette nécessité de contraste, qui est une des premières lois de l'art, M. de Balzac a bien introduit dans ses romans de nobles caractères, et pour n'en citer que deux, le médecin et le curé de campagne. Mais il s'attache surtout aux usuriers, ces détenteurs des jouissances d'autrui. Il aime à saisir toutes les nuances de ces fortunes lentement amassées sou à sou. Par une singulière contradiction et une éclatante dérogation aux habitudes reçues, M. de Balzac a transporté le romanesque aux chiffres, aux affaires de bourse. Son imagination flamboie devant les piles d'écus. Les fortunes prennent à ses yeux des proportions cyclopéennes. Il ne procède que par millions. Je crois qu'en additionnant les richesses de tous ces héros, on aurait 20 fois la fortune de la France. Je ne fais pas ici de critique. Je veux y mettre plus de timidité avec un homme qui a le talent de M. de Balzac. Je traduis seulement mes impressions. Je viens de relire les œuvres complètes du romancier qui se flattait autrefois d'être le plus fécond. J'ai vécu avec ces personnages jusqu'à la familiarité. Eh bien, j'éprouve en ce moment une certaine tristesse. Il me semble que je sors d'une mauvaise compagnie. À quoi cela tient-il ? À ce que nous n'avons probablement pas pour l'homme et pour la société les mêmes sympathies. M. de Balzac n'a pas senti à son front le souffle de notre siècle. Il n'a pas ce lyrisme du cœur qui pousse à la croyance. Sans cela, il aurait trouvé un idéal. Il l'aurait dégagé des limbes de notre époque. Et il ne serait pas allé continuellement étudier l'homme à l'hôpital. Il a trop sacrifié au réel, dans le sens du mal. C'est là le défaut de sa qualité. Le bien est réel aussi. Sans cela, le monde serait perdu. Le style de M. de Balzac est conséquent à la méthode. Il est franc, direct, positif, et emprunt quelquefois de cette âpre saveur gauloise qui sent le terroir de la Touraine. Cependant, on doit regretter que M. de Balzac, comme les peintres du XVIe siècle, ait changé de manière. Qu'il abandonne le style naturel des premières années de sa réputation pour les formes tourmentées, légèrement florentines, de ses dernières publications. Il y met vraiment trop de conscience. C'est surtout dans le style que le mieux est l'ennemi du bien. Le véritable écrivain ne doit jamais chercher à écrire. Eugène Pelletan.